on s'en sort, j'en vendiquerai toutes mes idées à la sang-gorge. Je prêcherai la bonne parole et rêverai d'une terre sans guerre. Pour l'instant, mes espoirs et mes rêves sans terre. C'est la foire, y'a pas de trêve, partout c'est la demeure. Je veux la gloire sans que je crève, tout ça en ligne de mire. Je promets rien, je dis pas, ça se fera en une demi-heure. Ça serait irréel et un manque d'estime, comme de stop Israël, Palestine. Pour l'instant, ça reste de l'utopie, car malheureusement, ce serait trop beau d'en garder à ta peau. Tous ces gosses qui tombent sur le tapis ou bien font le tapant. Bref, t'as vu le topo. J'aimerais éradiquer la haine, ça c'est dément. Donner de l'amour à la belle et des ailes aux démons. Je voudrais que la planète soit en parfaite harmonie, que des prophètes et des players à la Ronnie. Pour l'instant, la vie est erronée et les catastrophes arrivent, des spies comme une frappe de rouner. Si on s'en sort, plan de changement, j'opère. Je veux plus de jobard et pour la vie, mettre ma famille au beurre. Toujours tueur à faire du rap et braquer ton tuner. Si on s'en sort, c'est avec l'amour, des rimes et le cœur. Les frappes pour bien décocher, les médailles pour décrocher. Fin décrocher pour aboutir à nos projets. On a la dalle, on a la vibe, on a le style. C'est pas pour la hype, mais pour que tu gagnes et que tes potes te taillent. Si on s'en sort, faut qu'on t'aide, Laura, vous savez, des déesses, ils savent, on veut l'amour de Dieu. Satan. J'ai mes études, j'ai mon foot et mon vécu. C'est par amour que je rappe, car ta blague et ton écu. J'aime canarder de rire, placarder mes sticks, arracher les hits, saccager les fils et fracasser des types. Si je m'en sors, je le devrais aux corrections de mes fautes. Je serai prêt en assumant mes sacs, car j'en ai les épaules. Je réparerai armes et chargées, les buts seront sabrés. Je regarderai l'avenir sans jamais renier mes passés. J'aurais déjà laissé des milliers de tasses sans pleurs. Mon statut passerait du Challenger au Highlander. Miss aura fait son taf, j'aurais mis des baffes. Je serais le kamikaze qui aura imprimé son place. J'y arriverai avec mon cœur et mon caractère. Si je m'en sors, c'est qu'il y aura plus d'hommes que de balataires. J'serai en haut des chars, quitte à en mettre du temps. Quel que soit ma cote, j'écris avec de l'encre et du sang. Toujours tumeur à faire du rap et braquer ton tuner. Si on s'en sort, c'est avec l'amour, des rimes et le cœur. Des frappes pour bien décocher, les médailles dans des crochets. Fin décrocher pour aboutir à nos projets. On a la dalle, on a la vibe, on a le style. C'est pas pour la hype, mais pour que tu gagnes et que tes potes te taillent. Si on s'en sort, faut qu'on t'aide, Laura, vous savez, des DS, ils savent. On veut la mort de Dieu, blesser Satan. L'injustice, la mort et la haine. Je veux qu'on les condamne, c'est contre elles qu'il faut combattre. Et je constate qu'à cette heure-ci, faut être fort comme dans Hong Bak. DDS avant des rimes, prêt pour le combat. Et ces gars, ouvre tes yeux et tes mains, comment c'est dur de s'en sortir. Faut qu'on passe entre les flammes et les sorties. J'aimerais que les miens profitent et se régalent. Qu'ils fassent du profit à la légale. Je ne veux plus qu'ils se rétament. Je veux qu'ils savent où ils aillent dans mon ballon de Bécane. Tiens, c'est la débandade. Tu vois bien que c'est un pays crâne. En plus de ça, ça crame comme au Portugal. Tu veux t'en sortir, mais t'as trop de barrières. Tu veux aller de l'avant, mais ton CP peut te faire aller en arrière. Toujours tumeur à faire du rap et braquer ton tuner. Si on s'en sort, c'est avec l'amour, des rimes et le cœur. Des frappes pour bien décocher, les médailles dans des crochets. Fin décrocher pour aboutir à nos projets. On a la dalle, on a la vibe, on a le style. C'est pas pour la hype, mais pour que tu gagnes et que tes potes te taillent. Si on s'en sort, faut qu'on t'aide, Laura, vous savez, des DS, ils savent. On veut la mort de Dieu, blesser Satan. Ouais, ouais, des DS avant des rimes. Check that soon, ZKA, mes idées. Ok, 2006, check that soon.